Mais lorsque la Columbiade fut entièrement terminée, le huis clos ne put être maintenu. Barbicane ouvrit donc son enceinte à tout venant. Le prix de la descente fut fixé à 5 dollars par personne. Et, malgré son élévation, pendant les 2 mois qui précédèrent l'expérience, l'affluence des visiteurs permit au Gun Club d'encaisser près de 500 000 dollars.